Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la crise dirigé par Laurent-Arthur Duplessis, assisté de Bernard de Fabregue. Émission préenregistrée le 26 novembre 2013. Elle est diffusée mercredi 18 décembre 2013 de midi à 13h30 et de 16h à 17h30, jeudi 19 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai donc la grande joie de recevoir Vladimir Fedorovski à notre antenne, qui est écrivain, ancien diplomate et auteur d'une multitude de chefs-d'œuvre, dont le dernier, paru en août 2013, s'appelle Le roman de la perestroïka à la cour des tsars rouges. Vous savez, je suis tellement prolifique et j'adore écrire. Vous savez ce que c'est, 32e livre, le roman de la perestroïka. Et le 33e, j'espère bien qu'on va en parler, c'est un livre énigmatique qui sortira dans quelques mois. Il s'appelle Le roman des espions. Vous voyez, c'est toute une chose. Mais vous avez lu le roman de Saint-Pétersbourg, oui. J'ai toute une collection, le roman des lieux et des destins magiques. Tout à fait, et nous sommes assistés de Bernard de Fabregue. Cher Vladimir Fedorovski, les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent déjà très très bien. Vous êtes un invité, un des invités les plus aimés de Radio Courtoisie. Merci. Et vous avez une très très belle carrière derrière vous, puisque vous avez été un diplomate de très haut vol, vous avez été un conseiller personnel de Gorbatchev. J'étais surtout porte-parole, pour être précis, j'étais porte-parole d'un des premiers partis anticommunistes là-bas et démocratiques là-bas, pendant la période décisive de 90-91, ça s'appelait le mouvement des réformes démocratiques, et nous avons contribué à en quelque sorte à la, disons, disparition du système totalitaire qui était pas une mince affaire. Si vous vous souvenez, le char d'Eltsin, oui. J'étais à l'époque avec Eltsin, c'était le point final le 21 août. Et vous avez été particulièrement courageux et audacieux pendant cet épisode de l'histoire russe. Oui, c'est pas un problème de courage, mais c'est surtout pas moi qui étais courageux, mais le peuple russe qui était courageux, d'une part, et d'autre part quand même Eltsin, fantastique à l'époque, vous comprenez, ouais. Tout ça, ça aurait pu terminer vraiment dans les fleuves du sang, dans l'apocalypse mondiale, et puis ça s'est terminé plutôt sans effusion du sang, et ça c'est une période à mon sens extraordinaire. J'aime raconter la face cachée de ces périodes anciennes à travers les personnages, d'où vient l'idée des espions, d'où vient l'idée de la perestroïka, tout ça c'est la face cachée du XXe siècle dans la vie. Et vos livres sont aussi passionnants les uns que les autres. Et nous allons évoquer aujourd'hui, notamment à travers une analyse générale de la géopolitique mondiale, nous allons évoquer la nécessaire alliance qu'il faudrait établir entre les pays d'Europe et la Russie, notamment. C'est vrai. Moi, je trouve que ça dépasse les choses pragmatiques. Ça dépasse la facilité, c'est de dire que l'Europe a besoin du pétrole et du gaz russe et la Russie a besoin de la technologie. Mais c'est une alliance réellement, parce que basée sur les racines chrétiennes de la civilisation. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi, oui. Alors justement, les racines chrétiennes de la civilisation, et elles sont en quelque sorte méconnues par les élites occidentales, ces racines chrétiennes de la civilisation, et elles sont au contraire très présente, semble-t-il, dans l'esprit notamment du président Poutine. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai que le président Poutine, il assume, il utilise ce terme, les racines chrétiennes. Ça reflète, dans la réalité, l'état de l'opinion publique. Les Russes, ils aiment se référer sur ces racines. Ils ont, pendant la période communiste, c'était plutôt interdit. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'intact. Si on regarde le fonctionnement du pouvoir russe, vous serez étonné, son coéquipier, c'est pas du tout Medvedev. La presse occidentale a parlé, il y avait ce président éphémère. Medvedev, en réalité, c'est plus le patriarche, qui est un personnage assez extraordinaire, il s'appelle Kirill, et lui, il prône ça à tel point que quand il faut écrire des grands textes Poutine, de Poutine, vous connaissez, par exemple, l'article du New York Times, le patriarche Kirill, il prend la plume et il écrit avec Poutine, il lui donne un coup de main pour se référer sur cette... vous savez, les historiens français utilisent le terme l'histoire longue. Nous, pour nos auditeurs, l'article du New York Times auquel vous faites référence était... une adresse directe par le président Poutine au peuple américain au moyen d'une publication dans le New York Times et qui remonte donc à il y a quelques mois et qui était d'ailleurs un coup de génie en matière de communication parce qu'au fond c'était aussi une façon pour le président Poutine de passer par-dessus la tête de certaines élites américaines qui font obstruction à un rapprochement entre l'Occident et la Russie. C'est vrai, mais ça, c'est un article assez étonnant et ça serait parfaitement réussi. Vous vous souvenez, à l'époque, on a fait ensemble une émission sur... Oui. C'était pendant la crise syrienne, juste avant, quand ils voulaient faire les frappes, etc. Et c'est un article vraiment astucieux qui a marqué les esprits, à mon sens, parce que on a regardé ensemble les réactions sur l'Internet. Oui. Et tous les deux, nous étions frappés parce que la cote de Poutine à l'époque a dépassé la cote d'Obama. C'est un truc complètement inimaginable que Poutine a plus de réactions favorables suite à cet article qu'Obama. Mais après, ils ont trouvé l'arrangement américain. L'article a été publié avant qu'il trouve l'accord de Genève sur la Syrie. Et je trouve que c'était quelque chose d'assez étonnant. Et d'après ce qu'on m'a raconté, c'est le patriarche Kirill qui a carrément participé à la rédaction de ça. C'est juste pour souligner jusqu'à quel point... Poutine, il est impliqué dans cela. Il y a les références sur l'histoire de la Russie, sur l'histoire avant 1917, il faut dire, et après, c'est surtout la grandeur qui l'intéresse. Et il y a les références aussi sur ses racines chrétiennes qu'il assume parfaitement. Mais quand on discute ça, en Occident, les gens sont souvent étonnés. L'opinion publique russe est marquée par ça. Quand vous êtes vous visitez la Russie, j'étais à Saint-Pétersbourg récemment, j'étais frappé par le fait qu'il y a des jeunes qui sont dans les églises. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, vous comprenez ? Ah, oui. C'est pas les gens de toute génération, mais surtout les jeunes sont motivés. Alors, quand on a en Occident, on discute, on dit, ouais, il affiche ça. Il affiche la réalité sur ce plan-là de l'opinion publique. Ça concerne aussi les affaires de morale, etc., qui sont liées, c'est la vision d'ensemble. Mais je dois vous dire, il y a un autre aspect, et si on parle de la géopolitique sérieusement, si on voit les choses d'une manière vraiment lucide, si vous voulez, la Russie et l'Europe, ils ont en plus des racines les mêmes adversaires. Oui. Il ne faut pas se tromper sur ce plan-là. Tout d'abord, c'est l'islam l'islamisme, et l'islamisme vraiment agressif, on ne peut pas confondre l'islam et l'islamisme, mais ces derniers temps, et sur ce plan-là, il ne faut pas se leurrer, Poutine, il a visé juste, parce que, je vais vous raconter l'histoire, vous avez aimablement évoqué le début de ma carrière, et le début de ma carrière était lié avec ça. J'étais arabisant, j'étais en réalité interprète de la langue arabe du Kremlin, et je connaissais vraiment très bien toutes ces questions-là. Et les arabisants, comment vous dire, c'est une sorte de la mafia, pour vous dire la réalité, dans le monde, dans le monde entier. On était jeunes et on se connaît tous, les Américains, les Russes, et évidemment les Français. Et je connais les généraux chevronnés français, arabisants extraordinaires d'ailleurs. En France, il y a une grande tradition. Il y a un arabisant américain qui m'a téléphoné il y a 4 ou 5 ans. 4 ans, pour être précis. Il a dit, il faut qu'on dîne ensemble, etc. J'ai dit, je ne suis pas aux affaires, j'écris sur les égéries, les espionnes, l'histoire flamboyante. Je lui ai raconté tout ce que je prépare pour la réalité, pour le roman de l'espion. Il a dit, non, ça m'intéresse surtout pas à tout ce que tu écris, je voudrais avoir ton avis sur ce que je prépare, parce que je vais te conseiller Obama pour moi. Bon, écoutez, tant mieux, on va se voir. Et on est allé dans un bistrot, j'adore les bistrots parisiens, on a évidemment pris une bouteille de vin, et il a dit, écoute, j'ai trouvé l'astuce, parce que maintenant, il faut soutenir les islamistes modérés. Je dis, écoutez, mon cher, l'islamisme modéré, c'est comme le bolchevisme modéré. Ou le nazisme modéré. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il a dit, non, tu verras, je vais appliquer ça, puisqu'il il était vraiment quelqu'un de la tête pensante des Américains. Sur ce plan-là, on va appliquer ça en Libye, on va appliquer ça en Tunisie, etc. Et je suis un peu effrayé même par rapport à ça. J'ai dit, je lui ai prédit exactement ce qui se passait, mais ça me perturbe presque. Parce que vous savez que c'est l'ambassadeur américain qui a été tué à Benghazi. Oui. C'est celui qui a livré les armes aux islamistes. C'est quelque chose de diabolique. Il était tué par les mêmes armes qu'il a livré. C'est dangereux. Il n'a pas gagné en Libye, Sharia en Libye. Vous savez, tout ce qui se passe, le marasme en Tunisie. Il a dit non, on va défendre les frères musulmans. Le pays le plus important, c'est évidemment l'Égypte. Oui, oui. Et ça a donné les choses de l'armée. Et on a discuté la Syrie. Je lui ai goûté. Tu sais, l'alternative à ça, soyons lucides aussi. Lucidité. Oui. C'est quand même les djihadistes. Autrefois, en Syrie, il y avait d'autres personnages, etc. Il y avait même les gens laïcs, opposants. Mais l'alternative réelle, c'est ça. Et finalement, Poutine, il a souligné ça. Sur ce plan-là, je suis obligé de dire qu'il il partage notre analyse qu'il n'y a pas d'islamisme modéré, qu'il faut chercher quelque chose d'autre. Et il y a une notion qu'il a avancée, et ça, c'est une réalité. Vous savez, je suis souvent réticent par rapport au verrouillage de la Russie, puisque Poutine a sa vision aussi de la Russie. Il pense que le préalable de la Russie, c'est quand même surtout la stabilité. Oui. Et peut-être c'est une discussion qu'il faut mener, il ne faut pas qu'on soit limitatif dans la discussion. Mais je suis obligé de le dire, que dans le domaine de la politique étrangère, il est assez extraordinaire. Parce que, vous comprenez, de poser le problème, poser même ça, vous savez, poser comme l'a fait avec cet article donc, qu'on a évoqué, New York Times, c'est une chose. Mais vraiment avancer les choses. Quand j'écrivais le roman de la Perestroïka, et vous allez voir avec cette roman des espionnes, je raconte pendant cette période, la fin de la guerre, il y a les grands visionnaires comme Jean-Paul II, etc., ils recherchaient il y avait une notion de l'équilibre des intérêts. Les gens ne pensaient pas seulement aux valeurs, parce que quand on dit « Ah, je défends les valeurs », il faut penser aux intérêts. Les intérêts de la nation, c'est surtout ça qui est le plus important. Il recherchait l'équilibre des intérêts et il a fait avancer l'équilibre des intérêts en trouvant, c'était une performance, je vais vous dire, sur l'accord de Genève, c'était vraiment une performance pour moi, l'équilibre des intérêts, c'est la clé. Nous allons y revenir tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, l'émission Le Libre Journal de la Crise de Laurent Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui Vladimir Fedorovski. Qui est auteur du roman Le Dernier en date, hein, parce qu'il y en a combien, vous dites 32e, le roman de la Perestroïka, c'est le 32e. Il est tout récent. Il y a les cadeaux de Noël, vous comprenez que comme Noël arrive, bien entendu, il y a le livre de Tsar, et puis au début, bientôt, vous serez servi, parce que c'est un livre absolument flamboyant, ça raconte, vous savez, ces femmes... qui ont été les maîtresses espionnes. Il y a des vraies révélations. Et j'aime raconter l'histoire aussi avec les choses à la fois connues, mais parfois complètement méconnues, avec les révélations. Vous savez, les femmes qui ont été au centre de l'histoire, le roman des espionnes, mais en attendant, le roman de la Perestroïka. Alors, nous en revenons à l'équilibre des rapports entre les États tels que le souhaite le président Poutine, qui s'inscrit dans la tradition du traité de Westphalie du XVIIIe siècle, et contrairement en fait à Washington, qui en fait tourne le dos à cette tradition. Vous savez, je vais vous dire, il ne faut pas aussi qu'on soit dans, disons, limitatif. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut voir clair. Il faudra choisir son camp et il faut voir de quel côté on est. Moi, je suis absolument persuadé que le peuple de l'Europe et le peuple russe, ils sont dans le même camp. Exactement. Dans la même barque. Oui. Pourquoi ? On a parlé de menaces. On peut être positif, parce que dans cette affaire syrienne, il y a un autre aspect qui est aussi lié avec cette notion de défense, cette fois-ci, des racines chrétiennes de l'Europe. C'est la défense, cette fois-ci, des chrétiens de l'Orient. Oui. Parce que on a dit l'alternative djihadiste, mais qu'est-ce que ça signifie d'une manière précise ? Ça signifie que dans le contexte actuel, il faudra, c'est les chrétiens de l'Orient sont menacés. Quand il y a, par exemple, les coptes, les églises coptes brûlées en Égypte maintenant. Et on n'en parle pas assez. Oui. Il faut qu'on soit cette notion que la Russie et l'Occident sont dans les mêmes barques en partageant ça. C'est quelque chose de tout à fait important. Et quand on a parlé des équilibres des intérêts, je ne vous cache pas que cet accord de Genève préfigure cet équilibre des intérêts. Ce que annoncer les couleurs, dire que voilà, nous sommes dans la même barque, dire que l'alternative c'est l'islamisme et c'est dangereux, dire plus loin que dans le contexte actuel, accepter ce que souhaitent certaines puissances, rien que pour les nommer, Qatar, l'Arabie Saoudite, ce qu'ils veulent. Moi, l'autre jour, j'ai regardé une chose ahurissante, pour vous dire, ahurissante. Je regarde les sites, je parle arabe, je regarde les sites des islamistes. Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils annoncent ce qu'ils veulent. Ils disent... ils s'appellent ça khalifat. Les khalifats de Boukhara à Poitiers. C'est-à-dire le califat en phonétique française. Oui. Voilà, voilà. Et califat, c'est en arabe, évidemment. Oui. C'est les choses insensées. Je vous laisse juste pour Poitiers, mais pour Boukhara, c'est tout à fait possible. Il y avait une autre chose. dans le contexte. C'est ça très intéressant. Il y avait ce garçon, moi je le connais bien parce que je faisais mes études avec lui, il s'appelle Lavrov, son ministre des Affaires étrangères. Vous savez, on le présente, il est dur, il se réfère par rapport à l'Occident. En réalité, c'est quelqu'un qui est partisan de l'alliance avec l'Occident. Oui. C'est ça qui est la réalité. Et dans ces négociations à propos de la Syrie, et plus tard, même avec à propos de l'Iran, il a trouvé cet équilibre des intérêts des uns et des autres pour avancer sur le plan pratique les choses, pour aller plus loin sur le plan pratique, et c'est une chose vitale. Quand on a parlé sur le plan géopolitique, je ne vous cache pas qu'on oublie une chose, parce qu'on a parlé de l'islamisme, des khalifats, etc., du danger des djihadistes, qui est un danger tout à fait réel. Il y a un autre aspect, c'est les Chinois. Je ne vous cache pas que les Chinois, qui sont souvent, d'ailleurs dans l'affaire syrienne, ils ont été plutôt avec les Russes, dans les choses, pour analyser les choses, mais ça me préoccupe. À titre personnel, c'est une chose, vous qui êtes un géopoliticien par excellence, vous savez bien que c'est la démographie qui détermine les choses. La démographie, je me souviens, une fois Kadhafi m'a dit, je suis désolé de faire les références, il a dit, nous allons gagner contre l'Occident avec le ventre. Et c'est une phrase d'ailleurs qu'ont prononcé pratiquement tous les dirigeants comme, arabes, comme Boumediene, Ben Bella, etc. Enfin. Oui, mais Kadhafi m'a dit, oui. Ça c'est carrément, oui. je l'ai connu, oui. Il y a les choses. Et quand on parle du ventre, c'est-à-dire de la démographie, oui, la démographie, oui, c'est une grande préoccupation, il ne faut pas qu'on soit aussi dans les choses. Tout d'abord, la démographie en Allemagne, vous connaissez, ça baisse. En Russie, ça a commencé un tout petit peu remonté. Ah bon? Mais ah oui. En toutes ces dernières années, il y avait, parce qu'ils ont la politique, Poutine, il a une politique familiale d'encouragement quand même. Ah, il y a des subventions données. Etc. Ça donne, mais c'est pas assez. C'est pas assez. La grande, pourquoi cette alliance est vitale pour la civilisation russe? Et pourquoi, à mon sens, c'est vital pour la... Oui, pour d'autant que la Russie fait 17 millions de kilomètres carrés, c'est une caverne d'Ali Baba de matières premières, et cette Chine, en surcompression démographique, se déverse déjà sur la Sibérie. Et puis, alors, il y a le monde musulman qui, lui-même, est en inflation démographique, même s'il y a une légère réduction démographique qui s'amorce, mais s'il y a une force d'inertie, ça va prendre longtemps. Et donc, la Russie, comme l'Europe, sont menacées par la Chine et par le monde musulman. La réalité, et même, je vais vous raconter l'histoire qui... Tout d'abord, il y a cette disproportion. La réalité de la Sibérie, c'est énormément riche, et ce sera encore plus riche avec le gaz de schiste, etc. Tout ça, je peux vous raconter. C'est énormément diamants, l'or, c'est des richesses absolument inouïes. Ah oui. Et pour l'Europe, c'est vital de les avoir accès. Oui. En dehors de l'affinité, Tchaïkovski, Dostoïevski, c'est très fort. Oui. Ce qu'on a dit, la civilisation, qu'est-ce que ça veut dire? Les références chrétiennes, mais il y a une affinité culturelle aussi. Profonde. C'est le fait que les Russes sont vraiment chez eux, se sentent chez eux, ils ne sont pas chez eux, mais ils se sentent chez eux en Europe, et le fait que les Occidentaux se sentent souvent les choses. Moi, hier, j'étais avec les gens, mes lectrices, pour vous dire, ils ont fêté toujours Noël à Saint-Pétersbourg. Ils disent, on est chez eux. Tchaïkovski, c'est nous. Dostoïevski, c'est nous. Nous sommes vraiment... Et les gens... Le fait, c'est très important. Mais au-delà de ça, il y a cette richesse inouïe qui sont là. Et la réalité de la Sibérie, vous avez visé absolument juste. C'est quand même 6 millions seulement d'habitants. Quand vous voyagez là-bas, vous êtes frappé par la richesse. Baïkal, la richesse, la beauté, vraiment insensée. Et en même temps, le fait qu'à côté, il y a des millions et des millions de Chinois. Je vais vous faire une petite révélation. Un président français m'a raconté qu'il a rencontré Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, c'est celui qui a inventé la Chine d'aujourd'hui. Oui. Au fait, c'est celui qui a pensé qu'il faut verrouiller le système, continuer à être vraiment le système très figé sur le plan politique et faire l'ouverture économique extraordinaire. Et Deng Xiaoping, à la différence de beaucoup de dirigeants chinois, il était partisan d'une famille à deux enfants. Vous savez que la politique officielle chinoise, pendant des années, un enfant diminué. Il a dit non, non, non, je suis partisan de deux enfants. Et c'est encore le vrai actuellement, la politique de l'enfant unique. Oui, ça a changé. Je vais vous terminer avec ça. Et ce président rencontre Deng Xiaoping, il y a des années, il a dit, mais Deng Xiaoping, il était l'homme fort de la Chine, pendant, c'est lui l'inventeur de la Chine moderne, un personnage de proue extraordinaire, il faut le dire. Mais il a posé la question, mais alors, mais comment vous allez faire avec deux enfants? Et Deng Xiaoping a raconté, il a lâché. Et ça m'effraie. Nous avons les territoires du Nord. Eh oui. Les territoires du Nord, c'est la Sibérie. Vous comprenez, il s'agit d'une... C'est une réalité. Et cette phrase, je reviens chaque fois à ça, parce que Deng Xiaoping, c'est quelqu'un qui détermine les choses aujourd'hui. Oui. Mao, c'est le folklore, c'est les ventes, vous savez tout ça. Celui qui crée la mentalité politique, géopolitique de la Chine, et cette phrase, c'est un testament de Deng Xiaoping, nous avons le territoire du Nord. Et ça, c'est quelque chose, il faut réfléchir sur ça. C'est pour ça que c'est vital. Moi, je dramatise volontiers les choses, parce qu'il s'agit de la survie de la civilisation russe, mais dans mon fort intérieur, je pense qu'il s'agit de la survie de la civilisation européenne, historiquement, sur ce plan-là, à la fois face à l'islamisme, mais aussi face à ce qui se passe en Chine, face à la Chine. Si vous vous souvenez, disons, 17e siècle, et même avant, la Russie a joué souvent un rôle de barrage géopolitique. Oui. Il y a même les poètes qui ont constaté ça, Pushkin, il a un poème merveilleux à propos des ordres de Tchingis Khan qui venaient et la Russie a sauvé à l'époque l'Europe au prix de sacrifice. Et il faut dire que justement de cette manière-là, nous pouvons soit être ensemble dans la même barque, et sauver la civilisation européenne ensemble, soit être vulnérable. Je dois vous dire que dans le contexte actuel, les Allemands, ils comprennent ça. Oui. Ils disent, ah, les Allemands, c'est seulement les choses qui concernent ils sont pragmatiques. Parce c'est l'économie. L'économie. Oui. C'est pas seulement ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont conscients de ça, de plus en plus de Français. Et je fréquente ça, les gens de différentes bords, mais surtout les spécialistes, ils disent attention, la Chine, déstabilisation de l'Asie centrale. Je voudrais dire quelques mots à propos de l'Asie centrale, parce qu'on a évoqué la Syrie, il faut évoquer aussi ce qui se passe en Afghanistan. Parce qu'en Afghanistan, c'est une situation très dangereuse. Vous savez bien que le résultat de l'intervention quand même des Américains, que l'Afghanistan est devenu le royaume de la drogue. Oui. C'est le premier producteur de la drogue, c'est la route. Où il y a encore des intérêts communs à la Russie et l'Europe, parce que c'est nos enfants qui sont menacés. La Russie, ils submergent la Russie par la drogue venue d'Afghanistan, mais la drogue vient ici. C'est la route. Il faut avoir une coopération très pointue. On ne réussit pas, parce que ça, pour l'instant, c'est un grand danger. Et peu de gens ont remarqué que les Russes, ils sont venus voir les Américains, et ils disent, ne partez pas. Ne faites pas tout de suite ça. Parce que si vous partez, je raconte ça, comment ça s'est passé dans une autre période, la perestroïka, le roman de la perestroïka, l'effet domino. Et ça, ça peut tomber. Les régimes de l'Asie centrale, ce sont, dans la réalité, les dirigeants sont assez âgés. Il y a une percée réelle des islamistes là-bas, et percée, les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point le Caucase russe est menacé. Pourquoi Poutine, ils sont les Russes d'une manière générale, l'élite russe, c'est un consensus autour de la Syrie, toutes tendances confondues, parce qu'ils sentent que la civilisation est menacée, et ça peut tomber les uns sur les autres, et ça peut aller très loin. Le danger sur ce plan-là est réel. Et je vous ai dit, quand on entre dans le détail, on touche et tout de suite, on voit que les intérêts sont communs. La lutte contre la drogue, c'est l'intérêt commun. La lutte contre l'infiltration des islamistes, un peu partout, c'est, il faut vraiment, nous sommes dans la même barque, il faut travailler côte à côte pour ça. La route de la drogue, la route, cette fois-ci, ça concerne la mafia, la route contre la mafia, c'est aussi l'intérêt bien compris des peuples de l'Europe et du peuple russe, l'importance de ce contexte. Nous sommes vraiment croisés de chemin et la réalité que c'est pour ça que je suis partisan vraiment de cet accord de Genève, parce que ça donnait non seulement la matière pour réflexion pour nous autres, mais pour les gens qui sont aux affaires, essayer de trouver vraiment le terrain d'entente pour lutter contre les ennemis qui sont communs. Nous allons rappeler les références de notre émission. Chers auditeurs, on vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, dans l'émission Le Libre Journal de la Crise, dirigée par Laurent Arthur Duplessis, avec pour invité aujourd'hui Vladimir Fedorovski, écrivain, ancien diplomate et auteur, pour ce qui concerne son 32e roman, du roman de la perestroïka à la cour des Tsars rouges. Vous savez, je voudrais préciser pour nos lecteurs que les livres qu'ils ont le titre, le roman, dans la réalité, c'est la réalité qui dépasse. Ça se lit comme un roman. Paris Match m'a fait un grand plaisir. Il m'a comparé avec Alexandre Dumas. Mais ce n'est pas Alexandre Dumas. Parce que ça se lit facilement. Mais que ce soit le roman de la perestroïka et le futur, les romans des espions, c'est les livres qui reflètent la réalité. Vous comprenez? Et ça, c'est une collection. J'en ai, vous connaissez les auteurs, par exemple, Dorcival, qui vient parfois à la Radio Courtoisie. Il a fait un livre assez extraordinaire, le roman de l'Élysée sur les choses comme ça. Les choses, il y a le roman de la Bretagne, de Martin Chauffier, toutes ces choses-là qui sont. Mais c'est chaque fois, ça se lit, on a beaucoup de respect envers le lecteur. C'est la grande, et c'est un autre aspect, et ça rejoint. C'est-à-dire que ça est très rigoureux dans la documentation et le respect de l'exactitude des faits, et c'est en même temps très vivant parce que vous faites vivre les événements. Exactement ça. Et dans la réalité, ça reflète quelque chose qui entre dans notre émission. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le roman de la perestroïka, la cour des Tsars rouges, etc. Qui date d'août dernier. D'août dernier, et le futur, je tiens à annoncer ça, parce que j'ai beaucoup de lecteurs vraiment à la Radio Courtoisie. Vraiment, dans quelques mois, ce sera très rapide, dans l'été, le roman d'espionne, vous allez voir, et ça c'est un livre très marrant, parce que là, vous avez Matahari, mais pas seulement Matahari, il y a même une espionne qui était avec, vous imaginez, avec Einstein. Je raconte comment ils ont volé. Eh oui, bien sûr, les plein de gens savent, tout ça c'est révélation. Je raconte pour, quand même, je fais plaisir à mes lectrices, parce que je raconte un système des hirondelles, il y avait, je raconte comment les Kennedy sortaient avec les actrices d'Hollywood, il y avait l'affaire d'espionnage qui était, cette fois-ci, russe, qui est là, il y aura l'orchestre rouge, bien sûr, bien entendu, avec les, Staline, il l'a appelé ça, mais les idiots utiles, tout ça, c'est aussi à raconter, l'orchestre rouge ici, avec les intellectuels occidentaux, tout ça, c'est, il y a, vous savez, je vais vous dire, ces femmes, ils ont, c'est pas une chose légère. Dans réalité, ces femmes, parfois, elles ont été placées dans le contexte du fléau de l'histoire, la fureur de l'histoire. Et pour vivre et survivre, ils ont choisi ce... Parfois, c'était un métier, parfois, c'était une passion, tout ça, les affaires d'espionnage. Il y a une dame, j'ai pas le temps de approfondir, je termine avec ça, mais c'est juste, il y a une dame qui était copine d'Eva Braun. Personne ne la connaît. Ça, j'ai un dossier explosif sur ça. C'est une actrice du cinéma muet. Elle s'appelait, elle était la nièce de dramaturge que vous connaissez, Tchekhova. Ah, oui. Elle s'appelait Olga Tchekhova. Et elle informait Staline sur les choses comme ça. Tout ça, c'est vraiment, ça m'a fait plaisir même de raconter. Parce que c'est, vous savez, j'aime aussi raconter les égéries. Vous connaissez mes livres, oui. les femmes qui ont inspiré les grands artistes. Cette fois, c'est les femmes qui ont été derrière les grands événements. Mais pour revenir à notre émission, je vais vous dire, il y a dans mes livres, il y a quelque chose qui reflète nos préoccupations. On parle de la tradition de la géopolitique. On se réfère à l'histoire longue de ça. Et la géopolitique, ça rejoint la tradition presque de la civilisation. Dans les livres, dans ma collection, j'exige qu'on se réfère sur la tradition de la littérature française. Les références sur la grande littérature russe du 19e siècle, Tolstoï, Tchekhov, Tchekhova, Tchekhov, et il y avait une tradition de la littérature française. J'ai beaucoup d'estime pour cette grande tradition. Vous savez, vous me connaissez, je suis vraiment francophile par excellence, et pour moi, la littérature la grande littérature française du 19e siècle qui respectait beaucoup le lecteur. C'est une référence. Et dans ma collection, il y a cette double référence, Tolstoï et Tchekhov, respect de lecteur et respect de lecteur. Parce que le grand problème, vous avez remarqué peut-être quand vous prenez les livres, il y a un problème de nombril des écrivains. Les écrivains, parfois, ils soignent le nombril et ils oublient le lecteur. Nous avons dans cette collection des romans, des lieux et des destins magiques vraiment un respect du lecteur. D'une part, le respect des faits, vous avez souligné, parce que la réalité dépasse souvent les fictions. Qui pouvait imaginer que, par exemple, une copine d'Eva Braun travaille pour Staline? C'est inimaginable. Ouais. Ça dépasse la fiction, mais je suis persuadé que aujourd'hui, les gens veulent vraiment que ça soit bien raconté, que la langue française, vous défendez la langue française ici à la Radio Courtoisie, soit vraiment respectée et le lecteur soit respecté. Mais je suis d'ailleurs très admiratif de votre style en français, donc je ne connais pas le russe. Bien sûr. Mais vous écrivez en français alors que le russe est votre langue maternelle. Et vous êtes devenu un écrivain de très grand talent en français. Bien entendu. Mais ça, il n'y a rien d'étonnant. Vous savez, je vais vous dire, il y a une tradition encore de littérature russe. Et vous, on ne souligne pas assez. Un jour, je vais raconter les Français, la présence, le roman des Français, je vais faire, malheureusement, pas dans l'immédiat, mais tôt ou tard, je vais le faire, parce qu'il y a une grande tradition de la présence de la langue française, et des Français, évidemment, en Russie. C'est une présence absolument extraordinaire. C'est, vous savez, ça me fait plaisir de raconter, parce que c'est les trois mousquetaires en vrai, encore une fois. L'ambassadeur qui a failli devenir tsar, les choses extraordinaires, vraiment. Et bref, pour revenir... L'ambassadeur français, au XVIIIe siècle, qui a failli devenir vraiment, qui était un amant d'une grande tsarine Elisabeth, il était favori, il aurait pu être maître de la Russie, toute une histoire. Il y a plein de choses pour raconter, mais la tradition de la langue française, à la cour des tsars, je raconte ça volontiers, mais au-delà de ça, pour la littérature russe, je ne suis pas du tout une exception qui est les gens. Pushkin écrivait merveilleusement bien en français. Nabokov, il écrivait, c'est vrai, toutes les langues. Il écrivait en français, il écrivait en anglais, il écrivait évidemment en russe. Le grand Tolstoï, vous qui êtes un fin lettré, vous savez bien qu'il y a des pages et des pages qui ont été écrites en français de Guerre et Paix. Vous comprenez, tout ça, c'est une tradition. C'est lié avec le fait que, je me demande, les Russes sont portés, pourquoi ils sont si portés sur le... Évidemment, il y a l'affinité entre la civilisation. Tsvetaeva, une grande poétesse russe, il disait on s'aime avec les Français parce que, pas parce qu'on se ressemble, parce qu'on est différent. L'attirance de, vraiment de l'absolu russe, ces côtés excessifs de la civilisation russe, mais il y a réciproquement l'attirance des Russes vers le goût français, le classique. On s'aime parce qu'on est complémentaire. On a si bien aimé parce qu'on est complémentaire. Et ça, c'est quelque chose. Il y a un autre aspect. Pourquoi ne pas le dire il y a un grand Diaghilev qui était fondateur des ballets russes, qui a créé un symbiose vraiment de culture. Les ballets russes, c'est le symbiose entre la culture française et la culture russe. Et il a, je vais le citer, parce que c'est l'intégration totale. Les Russes, ils sont, vous savez, ils sont dilués dans la société française. Moi, je suis très heureux, évidemment, dans à manier cette langue. Mais il y a une clé pour comprendre ça. Diaghilev, il disait, pourquoi on est si bien en France ? Il disait, on est venu pas pour prendre, mais pour donner. Et beaucoup de Russes, réciproquement, enrichissent évidemment la culture, rien que Diaghilev, parce que Diaghilev, c'est toute une histoire. Vous imaginez, les ballets russes, c'est le début du XXe siècle, mais les ballets russes, c'est aussi les ballets français, qui n'étaient pas là, Stravinsky, les Polonais, mais les Français, les meilleurs Français, Matisse, les choses, Braque, qui n'a pas travaillé avec Diaghilev, vous comprenez, le symbiose de tout, et ça c'est un exemple de l'affinité. Mais cette phrase qui me fait toujours plaisir, et c'est vrai que je suis défenseur, je suis inconditionnel de la civilisation française, et je suis très heureux d'écrire aussi ici en France. Je dois vous dire, et cette phrase de Diaghilev, peut-être c'est la devise de ce qu'ont fait les Russes ici, on est venu pas pour prendre, mais pour donner. C'est une très très belle formule, tout à fait. Alors, la complémentarité entre Français et Russes, vous la voyez comment ? Alors là, pas dans le domaine géopolitique, mais dans le domaine de la sensibilité. Vous savez, je vais vous dire, le caractère russe, c'est comme les climats russes. C'est excessif, c'est spontané, etc. Et complémentarité, La France est là, la mesure, l'esprit cartésien, parfois, vous comprenez. Et puis, les Français, ils ne disent pas, les Russes, ils sont exubérants. Les Français ne disent pas tout de suite. Cette attirance, la réciprocité est bien là. Et historiquement, cette attirance a déterminé les choses. Mais détrompez-vous, franchement, votre émission est géopolitique. Moi, je suis persuadé que la meilleure référence géopolitique, c'est cette affinité, ah oui, complémentarité. Aussi, oui. Mais ouais. Écoutez, moi, je vais vous dire, moi, j'ai eu la chance de connaître les femmes qui ont inspiré les grands artistes. Les grands artistes. Dali, par exemple, Gala Dali, Éluard, tous ces... Il y avait, moi je peux, Matisse, une russe encore dans sa vie, Picasso, Olga Picasso. Je peux vous donner la liste de tout. Léger, il y avait tellement des Russes. Et j'ai parlé avec Dali, j'ai bien connu de Dali, et je me souviens, j'étais dans sa suite à l'hôtel Meurice. Il dit, les Russes, avec cette exubérance, ce côté excessif, cette recherche de l'absolu, c'est le ferment pour les artistes, les égéries venues de ça. Mais réciproquement, si je vous raconte jusqu'à quel point les Français ont déterminé le cours de la civilisation russe, rien que l'histoire de Saint-Pétersbourg, peu de gens savent jusqu'à quel point Saint-Pétersbourg est déterminé non seulement par les Italiens, mais par l'esprit français. Lebrun a dessiné Saint-Pétersbourg avec Pierre le Grand. Ah oui. Ça, c'est les choses qui sont passées. Mais l'idée même de construire de Saint-Pétersbourg, pour être précis, il y avait une histoire charmante, parce que Pierre le Grand, quand il était un garçon, encore une fois, la géopolitique et la civilisation se mélangent, il était un garçon de 13 ans, de 14 ans et il venait dans un endroit qui s'appelait Faubourg des étrangers. Dans cet endroit, c'était habité par les pirates, par les aventuriers du monde entier. Il a appris le français, il parlait français, mais c'était un argot absolument, vraiment impressionnant. Plus tard, il viendra à Versailles. Quand il a commencé avec cet argot, les gens ont été effrayés. C'est l'argot des pirates, des bandits. Ce faubourg se trouvait où ? C'est à Moscou. À Moscou ? À Moscou. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que la fondation de Saint-Pétersbourg, c'est le symbole géopolitique de la Russie, le symbole que la Russie se tourne vers l'Europe. Pouchkine disait, il utilisait le terme d'un poète, pour être précis, quand même italien, mais quand même c'est la phrase de Pouchkine qui est restée dans l'histoire, la fenêtre vers l'Europe. Et je dois vous dire que l'idée de construire de Saint-Pétersbourg, c'est une idée éminemment française, parce qu'il y avait un certain Lefort, qui deviendra le maître de pensée de Pierre le Grand. C'était justement, il était basé dans ce faubourg des étrangers. C'est lui qui a éduqué Pierre le Grand, qui lui a inculqué quelques idées très simples, le voyage et construire le port au bord de la Baltique, ouverture vers l'Est. Et qui était le fort? Évidemment francophone, francophile, pour être, s'il est d'origine suisse, mais suisse romande, profondément marqué par la civilisation française, on peut dire que Saint-Pétersbourg est un symbole de la francophilie, symbole de ça. Si je vous raconte l'affinité géopolitique, mais l'affinité entre les civilisations à travers tout ça, prenez l'exemple des ballets. Ça, c'est, il y a un ambassadeur français, quand il a placé sa copine au trône de la Russie, il amène le maître de ballet au XVIIIe siècle. Après, Catherine II, un autre exemple de francophile, crée l'école de ballet. Et après, il y avait Marius Petipa et Tchaïkovski qui ont créé les ballets modernes. Aucun ballet du monde aujourd'hui, grand théâtre du monde, aujourd'hui ne peut oublier de présenter les ballets de Tchaïkovski, La Belle au Bois dormant et de Petipa, français et le russe. Et je vous ai parlé d'un autre symbole. Symbole, les ballets russes de Diaghilev du début du siècle. Ça, c'est carrément le symbiose de tout. Mais c'était basé à Paris, je vous ai dit, phénomène russe, etc. Pourquoi je parle de ces références? On aurait pu approfondir, parce que c'est à l'infini, ces histoires. J'aurais pu vous citer, par exemple, Richelieu, qui a créé une ville extraordinaire. Une ville absolument époustouflante, New York avant l'heure, cohabitation entre les civilisations. Ça, c'est les cohabitations. Il était conçu, c'est l'idée française. C'était Richelieu qui était gouverneur au début du 19e siècle, gouverneur d'une ville. Et il a créé... Et qui s'appelle... Armand de Richelieu, c'est neveu du cardinal. Oui, le petit... Du cardinal, mais oui. C'est une histoire... Mais quand je regarde, parce que j'ai étudié ça dans le détail, et c'est très intéressant... Et cette ville était... Odessa. Oui. Odessa, c'est une ville, c'est vraiment, il y a une législation là-bas, c'est une ville sur la mer Noire, une ville extraordinaire de cohabitation entre les civilisations. Vous comprenez? Il était très pointu sur la gestion de la ville, comment faire ça. Vraiment, New York avant l'heure. C'est ça, et c'est pas par hasard que Odessa, ça reste une référence dans l'histoire de la Russie, dans l'histoire d'Hollywood, pour entrer dans le détail, tout Hollywood aujourd'hui a été créé pour les gens originaires d'Odessa. Mais pourquoi ça reflète? Vous savez, heureusement qu'on parle, on a parlé des choses pointues sur le plan géopolitique, mais je pense que cette affinité entre l'âme française, entre la civilisation française et la civilisation russe, c'est peut-être le plus important que tout. Oui. À la limite, Tchaïkovski et Dostoïevski sont plus importants que tout le reste. Oui. Nous allons rappeler... Chers auditeurs... Nous vous rappelons que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, l'émission Le Libre Journal de la Crise, dirigée par Laurent Arthur Duplessis, avec aujourd'hui pour invité Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate, dont le dernier roman, le 32e, s'appelle « Roman de la perestroïka à la cour des tsars rouges ». C'est audition aux éditions du Rocher, et bientôt le roman des espionnes, pour vous. Et qui sera chez quel éditeur, le roman? C'est toujours le Rocher. Le Rocher, c'est l'éditeur, vous savez, je suis très fier parce que c'est ma collection. Et c'est l'éditeur aussi du Pape François. Alors, c'est les éditions du Rocher, c'est toute une collection. Vous savez, j'ai une centaine de livres et qui reflètent cette affinité entre les civilisations russes et les civilisations, je dirais, française, centaines de livres, les grands succès, tous les prix, etc. Le prix Renaudot pour le roman de Constantinople de Martin Chauffier, pour le mien aussi, le grand prix de l'histoire pour le roman de Rasputin, d'Orcival, que vous connaissez très bien, qui était pendant longtemps un grand éditeur, il est toujours un grand éditorialiste au Figaro Magazine, mais il était directeur de Valeurs Actuelles, et toujours écrit dans les Valeurs le roman de l'Élysée. Tout ça, c'est vraiment les choses qui sont là. Le roman de l'Allemagne, le dernier, c'est Michel Meyer. Tout ça, c'est toute une collection. Encore une fois, le titre est le roman, mais c'est la réalité qui dépasse la fiction. Le dernier, c'est vrai que le roman de la Perestroïka, et bientôt, dans deux mois, le roman des espionnes, pour plonger. Vous aimez beaucoup les femmes, hein, Vladimir Fedorovski. J'aime beaucoup raconter la face cachée de l'histoire. Et en l'occurrence, avec les espionnes, j'étais bien servi. Et n'oublions pas que le XXe siècle, c'est un siècle de souffrance. Et c'est les personnages qui ont beaucoup souffert. C'est vrai, parfois, ils ont été mis dans les situations absolument impossible, et il y avait des choix très, très, très, très difficiles. Mais je remonte jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y avait, peut-être vous vous souvenez, il y avait cette belle espion qui faisait les ravages dans les allées de pouvoir de Washington, qui était après échangée, qui devient, pour nous ramener à l'actualité géopolitique du moment, qui sera une grande égérie des Jeux Olympiques de Sochi. Une autre actualité, et c'est éminemment géopolitique, détrompez-vous, le choix de Sochi, c'est un choix aussi géopolitique de Poutine. Oui. Pour lui, c'est un symbole de la présence russe dans le Caucase. Il veut affirmer vraiment le retour de la Russie sur la scène géopolitique, parce que regardez comment il a géré ça. Sochi, ce sera vraiment, ça c'est dans trois semaines maintenant, quelques semaines, les choses comme ça, on va en parler tout le temps, mais c'est une référence géopolitique majeure. La présence russe au Caucase, la présence historique, la mer Noire, tout ça, c'est quand même un facteur. Et au-delà de ça, il y a quand même ces éléments qu'il faut retenir objectivement. L'accord sur la Syrie, le retour sur la Syrie, l'accord sur l'Iran, le fait qu'ils ont gardé quand même ces rapports de l'autre côté, parce qu'on n'a pas parlé assez, il y a l'aspect Ukraine. Vous savez bien qu'il y avait des grandes visions sur ça, et Poutine, il propose une gestion, il annonce les couleurs. Il pense, dans la réalité, la période, disons, de recul de la Russie géopolitique, c'est une période terminée. Oui. Et le fait qu'il est devenu, à un moment donné, très populaire, il est toujours assez populaire là-bas, est lié avec ça. Parce que son message, c'est clair, on ne recule plus. Au contraire, on rétablit la puissance, et on rétablit la puissance russe dans les anciennes républiques de l'Ouest, mis à part les débats. Justement, je voudrais évoquer avec vous la question très grave pour l'ensemble de l'humanité, je dirais, qui est le problème de la non-prolifération nucléaire. Un problème qui a été posé par les négociations avec l'Iran, et un problème qui se relie à ce que nous disons sur la nécessaire alliance de l'Europe, des pays d'Europe et de la Russie, une alliance qui, si elle avait déjà été établie, aurait probablement, et vous allez me dire ce que vous en pensez, modifié la donne en ce qui concerne le Proche-Orient. Parce qu'en effet, nous avons un empire américain extrêmement intrusif, une Russie qui très légitimement reconquiert une place sur le devant de la scène internationale, et au Proche-Orient, un affrontement on peut bien le dire, un affrontement russo-américain, et principalement par Arabie Saoudite et djihadistes islamistes interposés du côté américain, et par Iran et régime d'Assad du côté russe. Et vous savez... je voudrais juste vous dire, s'il y avait une sainte alliance, j'emploie le terme à dessein, puisque nous parlons justement de collusion... Non, mais vous vous souvenez, sainte alliance, c'est quand même une référence géopolitique majeure pour l'Europe. Exactement. C'était après la défaite, comme vous vous souvenez, de Napoléon, après la venue des Russes à Paris, qui était une venue quand même très amicale, il faut le dire, les puissances de l'Europe sous l'instigation, il faut dire, d'un diplomate français, n'oublions pas quand même Talleyrand d'une part, et d'autre part d'une Égérie, vous aimez les, visiblement que je réfère sur les Égéries politiques, il y avait une Égérie absolument extraordinaire, une sorte de dame voyante, illuminée, Madame de Crudener, qui a écrit Sainte Alliance, qui a été scellée le destin de l'Europe. Après, c'était conclu entre les puissances, après la défaite de Napoléon en 1815, Sainte Alliance est devenue une grande référence géopolitique de l'Europe, c'est la gestion, et c'était l'esprit déjà... Et ça a assuré une longue période de paix. Une longue période de paix, il faut le dire que le paradoxe de ça, si on veut entrer dans le détail, parce qu'il y avait cette vision de la présence russe en Europe et être ensemble en Europe. Au-delà de ça, mais paradoxalement, un jour il faut raconter la géopolitique de l'Europe du 19e siècle, mais il y a beaucoup de choses à dire parce que Napoléon, il voulait aussi l'Europe en dehors des frontières et l'alliance avec la Russie. Oui. On pense se refaire souvent au De Gaulle de l'Atlantique à l'Oural, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, mais Napoléon, simplement, il a voulu aussi la présence russe, il a fait. Pour moi, une chose absolument incompréhensible, parce qu'il n'était pas hostile du tout au peuple russe, et il disait pourquoi elle est allée à Moscou. C'était une... Ah oui, oui. Incompréhensible pour moi, parce qu'il y avait des blessures personnelles, on lui a refusé la main deux fois des filles de tsar, il y avait... Mais il était trop impulsif. Mais... Impulsif, les choses comme ça. Mais sainte alliance, c'est vrai, je voudrais, par rapport au Proche-Orient, je voulais juste terminer mon propos pour que vous puissiez bien nous répondre, Vladimir Fedorovski. Ce que je voulais dire, donc, c'est que si cette Sainte Alliance avait déjà préexisté à l'affaire iranienne, peut-être eût-elle été menée différemment. Je m'explique. En fait, la Russie est bien obligée, si je puis dire, de prendre le contre-pied des intrusions américaines au Proche-Orient en soutenant l'Iran. Et cela eût été différent sans doute s'il y avait une Sainte Alliance, puisque à ce moment-là, il y aurait une cohésion, un bloc, si je peux dire, Europe-Russie, enfin pays d'Europe et Russie, puisque l'Union Européenne ne me semble pas être autre chose qu'un gastéropode, mais pays d'Europe et Russie, pour faire la police au Proche-Orient. Et empêcher une prolifération nucléaire qui risque de se déployer dans les prochaines années avec un accord de Genève qui manifestement est un laissez-passer pour la bombe atomique pour l'Iran. Et c'est l'intérêt de personne, ni des Russes, ni des pays d'Europe, d'avoir une prolifération nucléaire. Je vais vous dire, vous savez, souvent on était d'accord, pour une fois je me permets de nuancer les choses cette fois-ci. Moi je vais vous dire, vous avez compris que je suis absolument persuadé que l'Europe et la Russie sont dans la même barque, vraiment dans la même barque, face à cette menace de l'islamisme. Et la confrontation aux États-Unis entre la Russie et les États-Unis, dans ce domaine aussi, c'est une confrontation dans la réalité qui devait être nuancée. L'intérêt bien compris des gens de bonne volonté, des peuples américains si vous voulez, évidemment des peuples européens et des peuples russes, c'est non-prolifération, cela va sans dire. Et si on vise qu'on est dans les mêmes barques, il faudra trouver le terrain d'entente. Si le terrain d'entente, ça concerne l'Iran, ça concerne évidemment la lucidité face à ça. Il y a le problème qui est bien là. On peut bien sûr choisir la facilité et dire voilà que c'est une les Russes ils choisissent les chiites à travers l'Iran. Les Américains, ils choisissent le sionisme à travers le djihadisme avec l'Arabie Saoudite, Qatar, etc. La France, parce que la dette française est achetée par Qatar, etc. Tout ça, c'est une facilité. Mais l'intérêt bien compris, et ça vous avez visé juste, l'intérêt bien compris de tous ces gens-là, c'est quand même que ça ne devient absolument pas contrôlable, qu'on instaure vraiment les choses occidentales. Qui a intérêt vous savez, l'Arabie Saoudite, il a effrayé par l'accord de Genève parce qu'il pense que c'est le retour de l'Iran. Mais le destin des grandes nations, il doit être pris en compte. La clé de ça, c'est les grandes nations qui sont là. N'oublions pas que l'Iran, c'est une très grande nation. Et il faudra compter avec cette grande nation. Évidemment, il faut essayer d'éviter la prolifération à l'Iran. C'est le destin de l'Égypte. L'Égypte, c'est la clé aussi. Et l'intérêt, bien compris, c'est la stabilité de Proche-Orient. Si on veut le Proche-Orient instable, imprévisible, avec les batailles les uns contre les autres. Dans ce cas-là, ça va se propager à nous tous, à l'Europe. Parce que vous comprenez, le danger, c'est le transfert de ce qui se passe là-bas dans les banlieues françaises. C'est ça le danger. Et c'est pour ça que je ne cesse pas de dire que l'accord de Genève, ça peut être un déclenchement de quelque chose vraiment d'important. La recherche d'équilibre des intérêts pour stabiliser le Proche-Orient. Et avec une lucidité qu'il faut comprendre que nous sommes dans les mêmes buts. Il faut dire que dans cette affaire, il y a paradoxalement l'évolution aussi des Américains. Parce que le gaz de schiste change la donne. Avant, vous connaissez l'importance de lobby pétrolier. Oui. Qui est le lobby pétrolier qui a déterminé quand même cette intervention fâcheuse en Irak. Mais il n'y a plus d'Irak. Quand on parle, c'est pourquoi je dis, prenons les exemples. Vous voulez intervenir, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez intervenu en Irak, on a les choses grandeur nature, les uns contre les autres, en Irak. Il n'y a plus d'Irak. Vous avez intervenu en Libye, il n'y a plus de Libye. Vous comprenez, il y a les armes à Mali. D'où viennent les armes à Mali? Ça vient de Libye. Et c'est pour ça, je ne sais pas, nous sommes vraiment au croisement de chemin. Nous sommes vraiment dans les mêmes barques et l'intérêt bien compris de nos enfants exige qu'on soit lucide. Parce que, si vous voulez, je compare volontiers la période que nous vivons avec ce qui s'est passé avec la Première Guerre mondiale, si on me permettait. Vous comprenez, la Première Guerre mondiale, c'est aussi une affaire géopolitique majeure. Et je suis vraiment perturbé par le fait qu'on ne tire pas des leçons de ce qui s'est passé. Vous savez, évidemment, ma famille était décimée par les guerres, surtout de la Deuxième Guerre mondiale, mais mon grand-père était tué pendant la Première Guerre mondiale. Évidemment, je suis très sensible, à titre personnel, à cette commémoration. Mais commémoration, en soi, c'est pas suffisant. Il faut tirer des leçons. La Première Guerre mondiale a engendré Hitler, a engendré Staline, Lénine tout d'abord, pour vous dire le tout, a engendré le communisme et le fascisme. Vous comprenez, sans parler sur le plan géopolitique, une petite référence, puisqu'on est aujourd'hui, on se souvient de l'apport de la civilisation russe, qui a parlé du fait qu'il y a 40% des pertes, c'était des Russes. Moi, j'étais perturbé comme pendant cette commémoration, on n'a pas parlé de ça. Vous parlez de quelle guerre mondiale? De la première guerre mondiale, hein. 40%. Vous comprenez? Oui. La bataille de Marne, qui a sauvé la bataille de Marne? C'est les Russes qui voulaient. Et puis, ça engendrait les choses terribles. Ça engendrait le retour, avec l'aide des Allemands, il faut le dire, de Lénine dans son wagon plombé, et finalement, la révolution, au coup d'État bolchevique. Pourquoi je parle de ça? Parce que, vous comprenez, ça concerne d'une manière directe notre analyse, cette fois-ci, au Proche-Orient. Moi, je suis inquiet parce que, vous savez, ça peut être l'embrasement du monde au Proche-Orient. Oui, oui. Si on n'est pas lucide, si on ne comprend pas à la fin qu'on est dans la même barque, que nous avons les mêmes adversaires, qu'il faut combattre ça, et si on est les uns contre les autres, oui, on aura ça. Et la nullité de l'élite, la base de Première Guerre mondiale, c'est une nullité d'élite qui n'était pas suffisamment remarquée. J'ai regardé l'autre jour une télévision, une jeune femme qui donne des leçons, comme d'habitude à la télé, évidemment, etc., qui raconte qui ne mentionne pas ni les conséquences, mais surtout quand on lui a posé les questions, le spectateur, lui fait un SMS, il a dit « Expliquez-nous les causes de la Première Guerre mondiale ». Et vous savez ce qu'il a répondu ? C'est trop compliqué. Mais attendez, mais qui en parlait de l'échec de l'élite, ouais, de l'analyse géopolitique à l'époque ? Vladimir Vedovsky, justement, je crois que il y a un très fort risque de Troisième Guerre mondiale. D'ailleurs, j'ai intitulé un de mes livres « La Troisième Guerre mondiale a commencé en 2002 ». Bien sûr, je me souviens très... Je conseille d'ailleurs de lire, mais vous en avez beaucoup de lecteurs, parce que vous alertez aussi. Il faut être lucide. Voilà. C'est pas... Il ne faut pas... Vous savez, je vais vous dire, je suis contre le catastrophisme par rapport à ce qui se passe, même en France, etc., parce que l'échec, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais il y a le peuple français qui, il faut atténuer, vous comprenez, parce qu'il y a, nous existons aussi tous, etc. Mais alerter et être lucide, vous avez absolument raison, parce que ça peut être l'embrasement du monde. Et il y aurait une catastrophe absolue, ce serait un conflit nucléaire. Évidemment. Et mon immense souci, moi, concernant l'Iran, c'est que je sais très bien, et vous le savez aussi, et je crois que le guide suprême Ali Khamenei, il n'a qu'une idée en tête, c'est que l'Iran est la bombe atomique. Et si le guide suprême Ali Khamenei a autorisé le président de la République iranienne, Hassan Rouhani, à mener ces négociations par le biais de son ministre des Affaires étrangères, c'est pour gagner du temps pour avoir la bombe atomique, vous le savez très bien. Vous savez, je suis un vieux diplomate, pour une fois, plus nuancé que vous. Parce que je vous signale que votre analyse rejoint l'analyse, je suis désolé de vous dire la vérité, de Netanyahou. Il peut avoir raison sur ce point-là, on peut avoir et puis l'inquiétude, moi je partage votre inquiétude évidemment, cela va sans dire, mais vous savez, je pense que rien n'est définitif et je pense que l'intérêt bien compris vraiment des Russes, des Américains et des Européennes, c'est de trouver la solution. Si ça dérape, vous comprenez, ça devient, vous savez bien, si l'Iran a la bombe, l'Arabie Saoudite a la bombe, ben oui, les Israéliens, ils ont déjà la bombe, on entrera dans les choses. Et d'où vient ma logique? Je dis, essayons. Nous sommes absolument d'accord. Nous sommes absolument d'accord avec vous et vous avez raison, franchement, je partage votre vigilance et votre inquiétude. Je vous ai taquiné tout à l'heure, mais cela dit... Oui, juste une chose, ce qui nourrit aussi mon inquiétude, c'est que l'Agence internationale de l'énergie atomique a fait du très mauvais travail depuis plusieurs décennies. Vous savez qu'en 2002, c'est l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien, à l'OMPI, qui a révélé au monde l'existence depuis 18 ans d'un programme nucléaire secret iranien. L'AIEA avait été incapable de voir ça. Et vous savez que par la suite, c'est ce même OMPI, pour l'essentiel, qui a révélé d'autres installations nucléaires iraniennes que l'AIEA ne voyait pas. Et je suis prêt à parier qu'il y a un certain nombre d'installations secrètes en Iran actuellement, dont on ne s'occupe pas puisqu'elles sont secrètes, et que donc le traité qui a été signé dimanche peut être bafoué secrètement par des Iraniens habitués à des programmes nucléaires secrets. C'est ça qui est très inquiétant. Moi, je vais vous dire, il faut être... Le mot vigilance, ça doit... Oui, mais vigilance... Mais attendez. Si vous me permettez, je vais vous dire une chose. Dans le contexte actuel, et en vieux spécialiste de l'Orient, je peux vous dire qu'au-delà, évidemment... nous sommes les gens sérieux, tous, vous et moi du moins, nous savons très bien qu'on ne se fie pas seulement à l'agence. Il y a en plus les agents. En plus, il y a les agents. Oui, mais les agents, je vous ferai remarquer, Vladimir Vedorovski, agents... que les agents, en 2002, ce n'est pas eux qui ont révélé le programme secret. Non, les, ça c'est, vous savez, les Israéliens. Écoutez ce qu'il dit Netanyahou. Il dit que ils sont, les Israéliens, ils savent très bien l'état de l'échange. Les Russes, je sais, les Français, au moins. Vous savez, franchement, je ne pense pas qu'on peut rouler maintenant avec la communauté internationale. Moi, je suis persuadé, ça c'est ton problème, on parie. Comme avec la Syrie, je parie sur la volonté. Il y a une phrase que j'aime bien citer, c'est « gardons le pessimisme de l'intelligence, qui est le vôtre, mais gardons l'optimisme de la volonté ». La volonté, si on baisse les bras dans ce cas-là, on est dans le monde, dans la catastrophe totale. On baisse les bras et c'est pour ça que je dis les Russes, les Français, les Européens et les Américains, ils sont dans la même barque. Arrêtons de faire les choses. Et c'est pour ça que la nouvelle construction du monde... Vous savez, on peut choisir deux voies. On peut vraiment tomber, comme souvent dans la politique intérieure, tout le monde contre tout le monde. Agir tous contre tout le monde, agir tout le monde contre tout le monde. Agir, c'est une... vous savez, on sait ce que ça donne. Moi, je raconte souvent, rien que pour le roman de la Perestroïka, comment ça s'est passé pendant la guerre froide. Je vous signale, le monde a frôlé plusieurs fois les catastrophes. On vivait dans le monde imaginaire, etc. On peut retomber dans cela, les uns contre les autres. Et en revanche, on peut trouver la notion géopolitique majeure de la fin du communisme, l'équilibre des intérêts. L'équilibre des intérêts, et l'équilibre des intérêts, on peut le trouver, avoir l'ouverture. Le préalable, c'est de comprendre enfin que nous sommes dans la même barque. En ce qui concerne la vigilance et les informations, c'est vrai que souvent, sur le plan officiel, les choses sont méconnues, mais ma modeste expérience, si vous voulez, référons cette fois-ci, encore une fois, sur ce qui s'est passé au XXe siècle, vous savez, il y a tellement des choses qui dépassent les agents, les agences, il y a les agents et parfois les espions qui sont au courant. Mais vous savez, dans les choses comme ça, disons, dans l'analyse, pour rien que sur les choses, maintenant on le dit d'une manière claire. Quand on a une petite nuance dans les choses, moi je suis d'accord avec vous, parce qu'il faut être très vigilant face à cela, mais il faut garder cette possibilité pour nous tous, éviter le pire. Et vous pointez quelque chose de tout à fait vrai. Un point faible, un maillon faible dans la géopolitique. On a parlé de la Chine, on a parlé de l'Asie centrale, etc., d'Afghanistan. Mais le point faible d'aujourd'hui, ce qui se passe au Proche-Orient. Encore une fois, on nous a promis la démocratie en Égypte, on a l'intervention de l'armée. On a promis le jugement qui tape pour Kadhafi, il était lancé, la pagaille en Sibérie. L'échec du printemps arabe, l'imprévisibilité dans cette partie du monde, et ça c'est le point faible pour l'avenir, c'est d'où vient la nécessité d'être lucide et vigilant. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis, avec aujourd'hui comme invité Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate, auteur du roman de la Perestroïka à la cour des Tsars Rouges, qui est son 32e roman aux éditions du Rocher. 32e livre, encore une fois. Et bientôt, les romans des espions aux éditions du Rocher. Et alors justement, dans le court laps de temps qui nous reste, la question de la non-prolifération nucléaire est d'autant plus cruciale qu'on a vu que quand il y avait un face-à-face avec la Russie, enfin, l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis, on est passé à un cheveu de la guerre atomique. Vous savez qu'on est passé à un cheveu. Ça, je raconte d'ailleurs dans le roman de la Perestroïka, il y avait un moment, Ça, c'est complètement... J'utilise... ce sont des personnages de Dostoïevski, la transformation intérieure, mais cette fois-ci, on était dans une sorte d'ambiance de Kafka, oui. La Kafka. Oui. Vous comprenez ? Il prenait, d'où vient l'importance de ce que vous avez évoqué, d'être très précis face aux informations, les sources d'informations, etc. Ils ont prenait les décisions à la base qui n'avaient rien à voir des deux côtés, les Américains et les Russes. Et on a frôlé plusieurs fois la guerre mondiale sans oublier cette anecdote que je raconte. Alors là vous ne parlez pas seulement de la crise de Cuba. Alors. Pas du tout. Oui. Non. C'était en 83. D'ailleurs, vous imaginez. Pershing. Vous savez, je vais vous dire, il y avait un moment quand les Russes, ils ont prôné les manœuvres à l'époque autour de ça, de l'OTAN, pour le début préparatif de la guerre froide. Ils étaient à deux doigts de commencer la guerre. En plus, c'était un dirigeant tout à fait performant intellectuellement, qui est un maître de pensée d'ailleurs de Poutine aujourd'hui, qui est un certain Andropov, le chef mythique du KGB. Il prenait les choses comme ça. Pour Cuba, ça je raconte en détail parce que ça c'était carrément anecdotique, parce que pour Cuba c'était le truc pittoresque dans les romans des espions. Je raconte comment elle sortait avec Kennedy, les deux frères Kennedy, qui étaient portés sur les femmes, vous savez bien. Oui. Et ils sortaient ensemble avec un agent soviétique qui travaillait aux États-Unis. Ensemble, carrément, on sortait avec pour voir les actrices d'Hollywood. Et ça, c'est flamboyant, je raconte les soirées un peu osées, un peu dans le style de DSK, pour vous dire, vous donner un peu de piment. Mais en racontant ça, il s'appelait Bolchakov, il le prenait au sérieux. Il transmettait les choses les plus pointues à travers lui, en oubliant les diplomates. Il oubliait. Et l'autre, il n'a pas eu accès au sommet du Kremlin. Les informations ne passaient pas. À tel point, c'était une situation, pour que je vous raconte en détail juste les choses. Si on est arrivé à la situation, ça c'était vraiment les choses. Khrouchtchev, compte tenu qu'il n'avait pas tout l'ensemble de l'information, il a donné à l'époque le dirigeant du Kremlin, il a donné la possibilité d'utiliser les armes, prendre la décision d'utilisation des armes nucléaires aux officiers subalternes, qui ont été les capitaines de navires avec les fusées nucléaires. Et qui eux avaient la carte blanche pour utiliser quand il y a la liaison qui était coupée avec Moscou. C'est effrayant. Effrayant, c'est le truc effrayant. Moi, j'ai retrouvé pour ce livre cet officier. Il m'a raconté pas de communication, les choses comme ça. Et il devait, heureusement, que la décision devait être prise à Troyes. Ils ont voté à Troyes, ce capitaine. Sur les unités navales. Sur l'unité de ça, ils pouvaient déclencher. Et c'était la catastrophe. C'est-à-dire dans des sous-marins nucléaires. Non, c'était même pas les sous-marins, c'était... Les unités de surface. Les unités de surface. Et ils ont eu les fusées, et ils ont discuté entre eux. Deux étaient pour, le capitaine, il était... La guerre mondiale s'est jouée là-dessus. S'est jouée de ça. Un était pour et deux étaient contre. C'était pile ou face. Et c'était à quelques minutes de déclenchement. La guerre mondiale s'est jouée sur ils ont voté et après, les choses ont rétabli. Et pour revenir aux affaires de la géopolitique mondiale, après, vous savez bien que maintenant, il y avait des précautions, il y avait les téléphones rouges, il y avait les précautions pour éviter le déclenchement accidentel. Vous imaginez ce que serait si 10 dictatures islamistes, parce qu'avec la crise économique, on va vers la prolifération des dictatures islamistes dans le monde musulman. Bien sûr, vous avez raison de souligner ça. Et imaginez qu'il y ait 10 dictatures islamistes possédant chacune un arsenal atomique. Et vous imaginez le capharnaüm nucléaire, l'anarchie nucléaire que cela mais sera. Vous posez un vrai problème, mais avec l'optimisme de la volonté et votre pessimisme de l'intelligence, on doit réunir quand même les efforts pour essayer d'enrayer ça. d'où vient, pourquoi je reste partisan, pour vous dire, l'accord sur la Syrie à Genève, l'accord sur... Et parce que, précisons bien pour nos auditeurs, il y a deux accords. Il y a Genève 2, donc, qui est prévu maintenant pour... Pour la Syrie, oui, oui. Pour la Syrie. Et puis, il y a eu l'accord sur le dossier nucléaire iranien de dimanche dernier. Oui, oui. Et qu'on pourrait aussi appeler un accord de Genève, mais je ne sais pas. Oui, bien sûr, mais pour éviter, on l'appelle sur l'accord sur l'Iran. Mais vous savez, je vais vous dire, d'où vient la nécessité? Pourquoi? Pour moi, c'est une lueur d'espoir, presque. Parce que ça souligne d'une manière vraiment évidente le danger que vous pointez justement dans vos livres, mais au-delà de ça, que vous venez de souligner. Parce que qu'est-ce qu'il faut éviter? Pourquoi c'est une nécessité vitale pour le monde? Parce qu'il faut éviter les dictatures islamistes. Il faut faire tout et comprendre qu'il s'agit de la survie de la civilisation mondiale et de la civilisation européenne et de la civilisation russe. Et il faut, d'une part, et il faut éviter, franchement, la prolifération. Et dans ce contexte, moi je pense que comme il s'agit de la survie de l'humanité dans la réalité, il faut vraiment oublier les querelles, vraiment, surtout ce jeu les uns contre les autres, à la, tout ce que j'ai décrit avec beaucoup dans le roman de la Perestroïka. Il faut sortir de ça. Et justement, pour, en quelque sorte, rompre ce cercle infernal de l'antagonisme, en simplifiant, bien sûr, mais russo-américain, mais qui se réduit peut-être, mais enfin... L'Europe, les pays d'Europe ont un rôle essentiel à jouer parce que eux, les pays d'Europe, peuvent briser le cercle infernal en se rapprochant de Moscou, de la Russie. Je crois que c'est là... Je vais vous dire, vous revisez les choses, mais n'oublions pas que la France, historiquement, a joué un rôle extraordinaire. Moi, je reviens à ça. N'oublions pas que le rôle naturel, vous visez juste les choses, le rôle naturel de la diplomatie française, c'est de jouer un ferment, si vous voulez, le fond de ma pensée, même parfois l'intermédiaire entre Washington et Moscou. Et beaucoup de fois, au temps de De Gaulle, n'oublions pas, la France, c'est un héritage qui appartient à la civilisation aussi française, a joué ce rôle. Pour ma part, je pense que c'est comme il s'agit vraiment de la survie de l'humanité. Nous avons dramatisé aujourd'hui, mais je pense que, très sincèrement, nous avons eu raison d'alerter. Parce que je ne crois pas que nous dramatisions. Non, vous savez, je vais vous dire, le grand public, c'est pour ça que je suis vraiment sensible aujourd'hui qu'on a évoqué tous ces problèmes, parce que le grand public n'évoque pas assez ça. Vous comprenez, la presse, on est dans la facilité. Et ça, c'est les choses qu'il faut comprendre, qu'il s'agit de ça. Et il faut comprendre que nous sommes vraiment dans la même barque les uns et les autres. Et s'il s'agit de la survie de l'humanité, dans ce cas-là, évidemment, le rôle de l'Europe peut être essentiel. Mais à partir de l'analyse lucide, parfois aussi à partir d'une certaine vigilance face à ce qui se passe, parce que ça peut déraper à n'importe quel moment. Oui, et il est vrai que la montée de l'intégrisme islamiste dans le monde musulman, que l'on voit partout à l'œuvre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Atlantique au Pacifique, est une donnée de plus en plus fondamentale de la géopolitique aujourd'hui, puisqu'en effet, il faut s'attendre à ce qu'il y ait l'émergence d'une série de dictatures islamistes dans le monde musulman, à cause d'une crise économique dont je crois nous allons connaître bientôt une phase aiguë. Et comme l'on sait, lorsque les estomacs sont vides, les têtes s'enflamment. Et cette crise économique fera aussi le lit de l'accession des islamistes au pouvoir, la tête des appareils d'État. Or, ils ont tous l'idée du califat, dont vous parliez tout à l'heure. Et ils ont tous l'idée que le bras armé de l'islamisme radical doit être nucléaire. Il y a une fascination pour le nucléaire, pour la bombe atomique, dans tous ces milieux-là. La fatwa du guide suprême Ali Khamenei, comme quoi l'Iran doit s'interdire la bombe atomique, est une fumisterie. Cette fatwa n'existe pas. C'est un coup de bluff de la propagande iranienne. Et il n'y a pas actuellement d'incompatibilité dans l'esprit des islamistes sunnites comme chiites, entre bombe atomique et islam. Il n'y en a pas. Et là, se situe de plus en plus le point d'orgue du danger qui menace l'humanité, je crois, c'est bombe atomique et islamisme radical, mais l'association ça, des deux. Vous prêchez un convaincu, mais simplement, ma logique face à cela, réunissons nos efforts. Oh oui. Oublions les choses grandeurs. Il s'agit de la survie de l'humanité, oui. Et sur ce plan-là, vraiment, il y a en tout cas les éléments, les prémices de ça. Par exemple, je ne me cache pas, à propos des armes chimiques en Syrie. Vous comprenez ? On disait, ça partit d'une gaffe de ce secrétaire américain, d'État américain à Londres, Kerry. Et puis oui. Lavrov, habile qu'il est, il a tout de suite rattrapé. Les choses, ça ne s'est passé pas comme ça. Ils ont parlé en sourdine de ce danger-là, parce que leur hantise des uns, cette fois-ci des uns et des autres. Parce que vous savez bien qu'ils ont inventé cette théorie, le soutien de l'islamisme modéré, mais l'hantise des Américains, et l'hantise, pour être même allé plus loin, des Israéliens, que les armes chimiques tombaient entre les mains des islamistes. Comme vous avez si bien dit, comme demain, si les armes nucléaires tombent entre les mains des dingos, et ça, si vous me permettez le mot, je suis désolé pour mon français un peu excessif, mais c'est vrai, c'est, si on est dans les gens entre les mains de ces dictatures islamistes, qui est demain, et cette lucidité exige de nous tous, aussi si vous voulez des décideurs, ça exige des efforts absolument particuliers. Cette notion que je ne cesse pas de répéter, nous sommes vraiment dans la même barque face à cette imprévisibilité, sinon l'embrasement, la perspective de l'embrasement du monde. Eh bien, Vladimir Fedorovski, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment de nous avoir si brillamment parlé de tous ces problèmes de géopolitique et d'avoir instillé de l'optimisme dans l'esprit de nos auditeurs à ce sujet. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'appelle « Le roman de la perestroïka à la cour des tsars rouges », qui est paru donc au mois d'août dernier aux éditions du Rocher. C'est un cadeau de Noël aussi. Comment ? Un cadeau de Noël. Un cadeau de Noël, ce sera un très très très beau cadeau de Noël. Et puis alors, en cadeau de Noël, tous vos autres livres. Car, oui, bien sûr, le roman des Tsars, le roman La magie de Saint-Pétersbourg, tout ce que vous connaissez, vous avez tous lu le roman de Saint-Pétersbourg, etc. Le roman de Rasputin, et bientôt les romans des espions, toujours aux éditions du Rocher. Et qui paraîtra à quel mois ? C'est, pour être précis, ce sera le 1er février. Le 1er février prochain, le roman des espions aux éditions du Rocher. Aux éditions du Rocher. Pour être franc, je suis un peu obligé par ça, parce que je vais parler, j'espère bien qu'avec votre concours, et d'un événement majeur, les Jeux Olympiques de Sochi. Oui. Et dans la foulée, il y a même Inigeri qui est ancien espion, qui était, il s'appelait Anna Chapman, vous l'avez tous vu un peu, Osé, qui est une Inigeri des Jeux Olympiques. Eh bien, nous aurons l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. À bientôt. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la crise dirigé par Laurent-Arthur Duplessis, assisté de Bernard de Fabregue. Émission préenregistrée le 26 novembre 2013. Elle est diffusée mercredi 18 décembre 2013 de midi à 13h30 et de 16h à 17h30, jeudi 19 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association.